être une attitude, entre guillemets, négative, de censure uniquement militaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté d'intervenir sur le contenu, sur les débats, mais d'empêcher la circulation qui puisse nuire aux opérations. L'idée selon laquelle il faut limiter la circulation d'informations qui peuvent être utiles pour l'ennemi. Par exemple, préserver les secrets militaires, faire en sorte que les secrets militaires ne circulent pas dans la presse. Vous comprenez que ce n'est pas une censure sur le contenu comme la censure à laquelle on fait généralement allusion lorsqu'on parle de politique d'orientation, de contrôle, de propagande. Non, c'est une censure stricto sensu militaire. Ce qui nous prouve que, ben justement, les États ont besoin d'une période de... Ils sont en train de découvrir l'importance de la propagande. Donc, ce n'est pas immédiat. Comme on le verra tout à l'heure, la mise en place de structures étatiques n'est pas du tout immédiate. Il y a un temps long. Et seulement certains États arrivent à construire des vrais ministères. Un en particulier, par exemple, le cas. Mais sinon, on n'a pas de ministère de l'information. Donc, censure militaire qui vise à limiter la diffusion, la circulation d'informations vers l'ennemi et qui vise également à éviter la pénétration de nouvelles données par l'adversaire qui risquerait d'affecter le moral des populations. Pour le dire autrement, tentative de contrer l'action psychologique des adversaires. Comme je le disais, miner le moral, affecter le moral des troupes et des civils devient un enjeu stratégique, et bien, il faut essayer d'empêcher ce genre de communication. Donc, vous voyez que c'est une censure militaire stricte qui s'impose et qui touche principalement la presse. Pourquoi ? Parce que c'est, comme on le sait, le principal média de l'époque. Donc, au début, c'est ça l'attitude. C'est seulement plus tard, la guerre est longue, et il y a progressivement un changement d'attitude par les autorités, c'est seulement plus tard que, dans la plupart des pays, les autorités commenceront à s'interroger sur la possibilité de parvenir à des formes de structuration et orientation plus organisées, des contenus aussi de l'information, visant à persuader la population de certaines, entre guillemets, réalités. En parlant de la presse, donc on fait allusion à la presse quotidienne, mais bien évidemment aussi la presse illustrée à grand tirage peut servir utilement comme un outil de création du consensus par rapport aux politiques des États. Lorsqu'on dit que tous les médias sont utilisés, c'est que progressivement, il y a la prise de conscience de la nécessité de se servir de tous les outils communicationnels, de tous les objets médiatiques qui peuvent parler aux masses. Ce n'est pas par hasard si les affiches représentent l'un des médias prioritaires de la communication des États. On a déjà quelques exemples aujourd'hui. L'affiche est un média de masse par excellence. Son fonctionnement dans l'espace public permet une communication massive. Si vous pensez au fonctionnement de l'affiche, l'affiche est collée dans un espace public, est faite pour être vue et lue par un public, par tous ceux qui passent devant. Et donc c'est l'exemple classique de la communication d'un émetteur à une masse d'un individu. Ce n'est pas par hasard si les affiches utilisent d'ailleurs aussi l'image, donc ce sont des affiches illustrées, ce ne sont pas uniquement des affiches typographiques, mais aussi des affiches illustrées, sont largement utilisées à des fins de mobilisation. C'est d'ailleurs, on ne fera pas de séance spécifiquement consacrée à l'affiche, mais pour avoir pas mal travaillé sur les affiches, il me semble important de souligner que la Première Guerre mondiale représente le premier moment d'usage d'une affiche, mais plus uniquement typographique, mais une affiche, disons, verbo-visuelle, dans laquelle il y a images et textes à des fins politiques. Tout au long du XIXe siècle, c'est surtout l'univers sociale qui se sert de la lithographie, de l'image, alors que les affiches politiques sont plutôt des affiches typographiques. Et à partir de la Grande Guerre, on commence à voir l'usage de l'image dans des affiches qui ont clairement une valeur politique. Comme on le verra dans la suite de cette séance, cela est dû aussi à la mobilisation des publicitaires dans les campagnes de propagande d'État. C'est un aspect sur lequel on est. Et puis, bien évidemment, tous les autres médias sont utilisés, les pamphlets, les tracts, largement utilisés aussi pour les actions psychologiques vis-à-vis des adversaires. Le cinéma, qui est encore une technologie tout à fait récente, c'est un nouveau média de la fin du 19e siècle, qui est utilisé aussi largement, surtout pour à des fins documentaires, c'est-à-dire que la Première Guerre mondiale est la première guerre qui commence à être filmée. Tous les pays créent rapidement des unités spécialisées dans les reportages sur les combats. Donc, on dispose aussi pour ce conflit de beaucoup de documentation, visuelle. Tout cela, les caractéristiques de la guerre, la mobilisation des médias, la prise de conscience par les États, des caractéristiques de la guerre, des répercussions sur les individus et donc de la nécessité de mobiliser les populations, portent à une exigence essentielle, à la prise de conscience d'une exigence essentielle, celle d'orchestrer la propagande, c'est-à-dire d'utiliser d'une manière cohérente tous les médias qui existent à l'époque, en sachant que la nature de la guerre multiplie les cibles et les objectifs de l'action propagandiste. Donc, l'utilisation des différents moyens, des différents médias et la multiplicité, la pluralité des objectifs de la guerre rend nécessaire la construction d'appareils d'orchestration des médias. Lorsqu'on parle de pluralité d'objectifs et pluralité de cibles, ben c'est qu'effectivement, il y a la situation devient extrêmement complexe. Il y a certainement plusieurs cibles sur le front extérieur, vu que la communication doit parler aux alliés, doit parler aux neutres, doit parler aux ennemis. Mais également, lorsqu'on pense aux populations, il y a une certaine complexité car la communication d'État doit s'adresser à la fois aux populations civiles et aux militaires. Et les messages ne coïncident pas forcément. Donc vous voyez qu'il y a, ne fût-ce qu'en termes de cible de la communication, une extrême complexité. D'ailleurs, les buts de la communication sont également complexes. But prioritaire qui concerne le front intérieur est certainement celui de forger la conviction et mobiliser la haine contre l'ennemi. Si vous avez lu l'ouvrage de Lasswell, vous verrez que Lasswell indique cet objectif comme un objectif prioritaire pour les États en guerre. Il faut forger la conviction, mobiliser la haine contre l'ennemi. Et mobiliser la haine est quelque chose d'essentiel pour pouvoir persuader. Prenons l'exemple de la Grande-Bretagne, qui est garante de la neutralité de la Belgique, qui n'a pas d'armée de conscrits, elle n'a qu'une armée de volontaires, et donc elle doit compter sur des volontaires. Et ce qu'elle fait, que la Grande-Bretagne fait dès le début de la guerre, est de construire une propagande qui vise à convaincre l'opinion publique que la Belgique vaut bien une guerre. Et pour faire cela, la diabolisation de l'ennemi est essentielle. Tous les rapports qui circulent à cette époque sur les atrocités, l'image du soldat allemand comme un barbare qui se diffuse et qui est véhiculée par tous les lecteurs est strictement fonctionnelle à cet objectif, est un élément indispensable. La diabolisation de l'ennemi est toujours un ingrédient essentiel pour une propagande de mobilisation. Aujourd'hui, malheureusement, on ne pourra pas s'attarder sur les stratégies communicationnelles, discursives et visuelles de ce type de communication. Il y a pas mal de bases, ça vous intéresse, je peux vous les conseiller, mais potentiel de toute propagande de guerre. Également, but essentiel est celui qui consiste à entretenir l'amitié des alliés et des neutres. Par exemple, il suffit de penser à l'importance des États-Unis jusqu'en 1917. L'Angleterre d'un côté et l'Allemagne de l'autre côté mènent plusieurs campagnes pour essayer d'influencer l'opinion des pays qui restent dans la neutralité, en utilisant différentes stratégies, des formes de propagande directe par l'intermédiaire de certains leaders d'opinion. Donc il y a beaucoup de méthodes qui sont mises en place, ce qui nous montre qu'effectivement cet objectif est considéré comme un objectif prioritaire dont les États prennent également conscience. La communication devient essentielle aussi dans ce genre de relations qui sont fonctionnelles à la guerre. Et puis, il y a l'objectif de miner le moral des adversaires. Miner le moral des adversaires, c'est en gros la lutte pour faire déserter le soldat ennemi. Et de ce point de vue-là, la diffusion de cartes et de dépliants sur les lignes adverses est l'une des techniques les plus exploitées. L'usage aussi de l'aviation et des zeppelins pour lancer des trappes sur les lignes ennemies ou sur les populations des villes est aussi une technique de propagande et d'action psychologique qui a inauguré lors de la Première Guerre mondiale et qui reste encore aujourd'hui de grande actualité. C'est-à-dire dans toutes les guerres post-bipolaires, c'est-à-dire les guerres de l'après-guerre froide, le trap, technique vieille qui peut paraître désuète, etc., maintient son actualité. C'est l'un des médias qui conserve leur actualité même dans les conflits d'aujourd'hui. Vous en voyez ici un exemple de cette propagande qu'on définit comme par l'expression aujourd'hui d'opération psychologique, de guerre psychologique. Soldat français rendez-vous, donc c'est un trap rédigé en français, adressé aux soldats français, afin que cette guerre qui va ruiner votre patrie soit finie le plus tôt possible. Soyez convaincus que les soldats faits prisonniers et les blessés sont très bien traités chez nous. Et puis, bon, il y a un témoignage sous-signé, déclare avoir constaté que les blessés français étaient soignés dans les hôpitaux allemands, exactement comme les blessés allemands. Je dois ajouter non seulement les blessés, mais encore les prisonniers français que j'ai vus étaient très bien soignés. Donc, c'est l'idée vraiment de déstabiliser les soldats, de faire déserter, de miner le moral des adversaires. Et ça, c'est un phénomène, j'ai pris un exemple destiné aux Français, mais on en trouve sur tous les fronts. Donc, ce sont des techniques qui s'affirment d'une manière assez transversale. Donc, on a vu les caractéristiques de la guerre, on a vu les répercussions sur la communication, mais il y a un élément fédérateur de tout cela, un élément important lorsqu'on essaye de voir les éléments de discontinuité par rapport au passé. Et lorsqu'on essaye de comprendre les modalités de cette orchestration qui est de plus en plus faite par les États. Un élément important est qu'il y a une rationalisation des activités. Ce qui caractérise la propagande de la Première Guerre mondiale est le fait que les activités sont, pour la première fois, rationalisées. Elles commencent à être gérées par les États. Attention, je dis, elles commencent à être gérées. Il y a encore beaucoup d'organismes privés qui s'en chargent, mais il y a cette prise de conscience progressive. Donc, les États en guerre deviennent des acteurs, des producteurs de propagande. Un exemple à ce sujet qui mérite d'être évoqué est certainement celui de la Grande-Bretagne. exemple assez éclairant, je disais, et qu'il est important d'évoquer dans un cours d'histoire de la communication de masse, car bah, ça nous montre que la propagande n'est pas une invention des États dictatoriaux de l'entre-deux-guerres, mais la propagande moderne du temps de guerre est en quelque sorte créée et utilisée par le plus démocratique des États européens de l'époque, la Grande-Bretagne, plus en particulier dans les campagnes de recrutement du début de la guerre. Effectivement, la Grande-Bretagne est le premier État qui s'engage dans la production étatique de propagande destinée à la population pour une raison très convergente liée aussi aux caractéristiques de l'armée britannique. Bah, comme je le disais, il n'y a pas une armée de conscrits, ce sont les volontaires, d'où l'importance des campagnes de mobilisation. C'est l'affiche qu'on analysera après, mais cette affiche qui représente le ministre de la guerre, Lord Kitchener, qui pointe la personne qui passe devant l'affiche en disant ben, « Ton pays a besoin de toi », est une affiche assez symptomatique de la propagande qui se développe au Royaume-Uni au début de la guerre, dès 1914. C'est une affiche de 14, car en fait, les premières expériences de propagande d'État en Angleterre sont justement pour porter les soldats à s'enrôler dans l'armée, à partir combattre. Dans un pays justement qui ne dispose pas d'une armée de conscrits et donc et où la propagande est donc essentielle pour obtenir ce résultat, pour pouvoir s'engager dans la guerre. Et comme des millions de civils devaient être enrôlés dans l'armée, la mobilisation de l'opinion était une exigence d'État. On peut, bien évidemment, passer en revue et voir comment cette étatisation progressive se réalise dans les différents pays. Ce qu'on constate, c'est qu'il s'agit d'une prise de conscience progressive. Comme je le disais au début, c'est une phase de tâtonnement, c'est-à-dire que c'est véritablement la découverte. Les États, au début du conflit, n'étaient pas préparés. Ils se rendent compte que sans une opinion qui suit, il est difficile de continuer cette guerre. Et les solutions sont différentes selon les contextes, effectivement. Au début de la guerre, l'Allemagne est le seul pays qui possède, en quelque sorte, une organisation publique de la propagande, dont le but est essentiellement destiné au côté militaire, c'est-à-dire à veiller au moral de l'armée. Il y a deux entités importantes en Allemagne, auprès du ministère des Affaires étrangères, il y a une division de presse qui est orientée plutôt vers la propagande, et auprès de l'état-major impérial, il y a une section de politique et renseignement dont l'objectif est justement, comme je le disais tout à l'heure, de veiller au moral de l'armée. Donc vous voyez qu'il y a deux organisations. Ce n'est pas encore une vraie orchestration, il y a une dualité. Mais la dualité des organismes est assez problématique. Adaptation. Dualité des organismes bloque pendant longtemps l'efficacité et c'est en 1917 qu'on arrive à la création d'un service de presse de guerre, dont la date de création est 1917, je ne l'ai pas indiqué dans le slide, qui est placé sous le haut commandement et qui comprend différents services, censure, information intérieure et information extérieure, qui cherche à rationaliser les activités et à fédérer les différentes entités. Cela dit, en Allemagne, les relations entre les rapports entre le gouvernement et l'armée d'une part et les journalistes de l'autre restent tout au long du conflit assez tendus. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette politique qui consiste à envoyer, à vouloir imposer aux journaux des communiqués officiels, ce qui est mal accepté, et qui est aussi nuisible pour l'efficacité de la propagande, car la propagande, lorsqu'elle est voyante, marche pas. C'est pourquoi, après le conflit, après la fin du conflit, il y aura beaucoup de critiques qui seront adressées par plusieurs acteurs au fonctionnement de la propagande allemande. Point que le mauvais fonctionnement de la propagande allemande sera considéré comme l'une des causes explicatives de la défaite. On le verra dans la deuxième. Alors, pour ce qui concerne par contre la France, au début de la guerre, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de structure étatique. Donc, lorsqu'on parle de prise de conscience, c'est exactement ça. C'est une découverte qui est faite en cours de route, pendant la guerre. Au début de la guerre, il n'y a que des organismes privés qui se chargent de la guerre. Ce sont des organismes privés, comme l'Alliance française, pour la défense du droit, etc., qui commencent à organiser de manière spontanée une propagande à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Donc, ce sont des organismes privés, mais qui reçoivent bientôt des subventions de la part du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement se rend compte de l'utilité de ces organismes, mais il ne dispose pas encore d'une structure étatique chargée d'orienter l'action de communication. Il faut attendre en France aussi, dans ce cas-ci, 1916, donc 2 ans, pour qu'il y ait la première tentative de propagande officielle avec une coordination des efforts privés à travers la création d'une maison de la presse. Je vais indiquer ça, la deuxième. Qui a justement ce rôle de coordination. Vous voyez, il n'y a pas de ministère de la propagande, il n'y a pas de ministère de l'information. C'est une entité étatique qui joue un rôle de coordination d'initiatives privées. Mais en parallèle, il y a d'autres initiatives toujours en France. Et l'une des plus importantes et des plus novatrices est certainement la création d'un service autonome de documentation auprès de l'état-major. Service de documentation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un service qui étudie. C'est un service rattaché à l'état-major qui étudie la communication des ennemis et qui commence à travailler sur l'analyse de cette communication. On commence à considérer que tout travail de propagande doit reposer sur une bonne communication. Autrement dit, on ne peut pas faire une bonne propagande si on ne connaît pas la propagande de l'autre, des adversaires. Et à partir de cette initiative, qui est l'une des plus importantes de la guerre en France, il y a également la mise en place de direction de la propagande vers l'étranger neutre et vers l'ennemi. Donc, à partir de ce travail d'analyse, il est possible de structurer effectivement une propagande qui puisse viser l'étranger et l'ennemi. De ce point de vue-là, on voit que le type de propagande qui est concerné est surtout la propagande de nature psychologique, donc la guerre psychologique, les opérations psychologiques plutôt destinées encore à des fins militaires. Et ce sont justement ces services qui créent une technique de propagande novatrice, la technique de propagande novatrice à cette époque, aujourd'hui classique, dont je vous parlais tout à l'heure, qui consiste dans les tracts lancés par les avions. Qui sont justement introduits, surtout en France, et qui sont l'une des inventions, disons, des services français. Alors, pour ce qui concerne l'Angleterre, l'Angleterre, je l'ai déjà évoqué, car l'Angleterre est l'un des rares pays qui parviennent à constituer une vraie structure étatique ministérielle destinée à l'orientation de l'opinion. À l'intérieur du pays et à l'étranger. Comme je le disais tout à l'heure, la décision d'utiliser officiellement la propagande est prise en Angleterre dès le mois d'août 1914, donc dès le début de la guerre. Mais entrer dans une phase d'hésitation, de tâtonnement, de recherche de bonnes solutions. L'organisation de la propagande reste divisée en plusieurs entités jusqu'en 1917, lorsqu'on parvient justement à la constitution d'un ministère. Comme dans les autres pays, il y a au début des organismes privés, mais bientôt, ces associations commencent à être coordonnées par une sorte de comité central, qui a ce rôle, justement, de coordination, qui est représenté par un groupe parlementaire qui s'occupe justement de la communication et qui porte à créer un bureau de presse qui envoie des directives aux journaux. Donc, première tentative, un peu comme la maison de la presse en France, c'est la tentative de coordonner des initiatives isolées. Mais en parallèle à ce bureau de presse, on insiste bientôt à la création d'un bureau ad hoc qui, en Grande-Bretagne, au début, est une structure secrète. Donc la prise de conscience dans ce pays qui ne dispose pas à l'armée des conscrits est très, très rapide. Mais la première tentative de constituer un organisme étatique consacré à la propagande d'État a lieu sous forme secrète. C'est un bureau ad hoc secret qui s'appelle Wellington House, qui est chargé explicitement des activités de propagande, c'est-à-dire de la diffusion de textes, de photos, de documents qui peuvent servir la propagande anglaise. Il y a plusieurs personnes qui travaillent, plusieurs célébrités aussi qui travaillent, mais ça reste secret, comme des hommes de lettres très importants, des intellectuels, Arthur Conan Doyle, William Kipling, H.G. Wells, travaillent pour Wellington House. Produire des documents qui peuvent par la suite circuler et fonctionner comme des outils de propagande. Or, il y a par la suite, en février 1917, les Britanniques créent un département de l'information qui permet, et cette fois-ci ce n'est plus secret, qui permet une meilleure coordination des efforts. Et puis cette tendance à la centralisation et à l'orchestration se confirme en mars 1918 avec la création du ministère de l'information. C'est le premier ministère de l'information de l'histoire. Donc ici, au Royaume-Uni, vous voyez la constitution, l'exemple le plus important d'étatisation, disons, de la communication et de la communication de guerre. Ministère de l'information qui a un pendant dans le département de la propagande ennemie qui est consacré encore une fois à l'action psychologique sur les ennemis. Dans la structure britannique, toutes les structures étatiques sont de facto confiées à des patrons de presse, donc ce qui nous confirme encore une fois le rôle essentiel qui est donné à ce média lors du premier conflit mondial. Et il est important de remarquer que ce ministère organise une action assez systématique. Il y a un travail d'étude, il y a un travail de documentation comme en France, il y a un travail assez scientifique d'étude des moyens favorables à la création d'une atmosphère favorable, et il y a tout un travail justement d'orientation, d'orchestration fort structuré. Disons que la Grande-Bretagne est, probablement avec les États-Unis, l'un des États qui innove le plus lors de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est, et j'insiste sur cet aspect, le seul État qui parvient à constituer un ministère. Donc, c'est important d'avoir bien l'esprit ça, parce que lorsqu'on parle de propagande, on pense toujours au fascisme italien, à l'Allemagne nationale socialiste. Le premier ministère qui a une vocation propagandiste est créé justement en Grande-Bretagne lors de la Première Guerre mondiale. Et puis on arrive aux États-Unis. Je vais introduire la problématique, vu que ça nous porte au contexte des sources que vous avez pour la séance d'aujourd'hui. Alors, aux États-Unis, on n'a pas la constitution d'un ministère, comme on voit. une structure plutôt paritative, mais qui montre, encore une fois, l'importance qui est donnée à la communication et à la création de, du consensus dès l'entrée en guerre des États-Unis. C'est-à-dire que, même s'ils ne construisent pas un ministère, les Américains reconnaissent tout de suite l'importance essentielle de la propagande, et juste après la déclaration de guerre, le 6 avril 1917, Wilson se pose le problème d'obtenir l'adhésion de la population. Et pour faire cela, il estime essentiel de pouvoir compter sur le soutien de toute la presse. Encore une fois, la centralité du média de masse classique de l'époque. Mais aux États-Unis, il y a un problème. Il y a un problème de taille, et le problème est que le premier amendement, celui qui traite de la liberté de la presse, rend la question de la censure assez délicate, même en situation de guerre. D'où la nécessité de trouver des solutions alternatives. Pour lui, c'est assez problématique d'envisager une solution de centralisation totale comme au Royaume-Uni. Et en fait, c'est pourquoi, une semaine après l'entrée en guerre, commence la réflexion sur la création d'une structure qui ne doit pas être une structure officiellement étatique et ne doit pas être une structure officiellement de censure, mais qui doit être une structure plutôt d'information publique. Un comité dont le but est d'assurer une information publique, bien évidemment orientée et pour faire en sorte que les médias soutiennent les causes de guerre, mais avec un certain type d'image. Et c'est ce qui sera appelé le Committee on Public Information, dont on parlera dans la deuxième partie de la séance. Américain qui est constitué, qui est fondé en 1917, juste après la déclaration, l'entrée en guerre des États-Unis. Il y a une conscience immédiate de la nécessité de disposer du soutien de la population au sol, et il y a aussi, comme je le rappelais tout à l'heure, ce problème lié à la difficulté d'effectuer une censure explicite en raison du premier. Du premier amendement qui traite de la liberté de presse et qui rend la question de la censure extrêmement délicate. Cela dit, aux États-Unis, les États-Unis entrent en guerre en 1917, ils ont déjà vu ce qui se passe dans les autres pays et on peut dire qu'il y a une conscience très très rapide de la nécessité de disposer de ce genre de structure. C'est pourquoi, en fait, une semaine après l'entrée en guerre, différents secrétaires d'État, secrétaires à la guerre, secrétaires à la marine, écrivent au président des États-Unis, Wilson, en lui recommandant la création d'un organisme qui serait chargé de superviser ce qu'ils appellent la World Publicity. Et en faisant cela, ils disent ouvertement qu'ils voudraient donner à cette structure deux objectifs. D'un côté, la censure, et de l'autre côté, la publicité. Attention, le mot utilisé n'est pas advertising, c'est publicity. Donc, l'idée de rendre public, c'est plutôt l'information. Mais c'est justement pour éviter l'image négative qu'un appareil de censure aurait pu aurait fatalement provoqué que Wilson décide, comme je le disais tout à l'heure, de construire une structure d'information publique. Une structure dont le mot d'ordre est expression, not suppression. Donc, c'est plutôt l'expression, la publicité dans le sens de rendre public et non pas la suppression, la censure. Cette structure qui a une agence semi-officielle, une structure paraétatique, est créée néanmoins par un acte du gouvernement. Il y a un executive order du 13 avril 1917 qui constitue ce comité qui est formellement indépendant et dont le rôle le plus important est de mobiliser l'Amérique, de mobiliser les États-Unis pour la guerre autour d'une idée essentielle, l'idée selon laquelle les États-Unis combattent pour la paix, la justice et la démocratie pour tous les temps. Comme je disais tout à l'heure, cet organisme s'appelle dès le début Committee on Public Information, donc on parle d'information publique, non pas de censure ni de propagande, de tout ce qui est le plus transparent possible à l'information publique, en insistant sur le caractère non étatique de la chose. Et son directeur s'appelle John Krill. John Krill est également l'auteur de l'article du chapitre. Du livre dont vous avez vu un chapitre. Il y avait quelqu'un qui a cherché des informations sur le profil de cet auteur. Mais non. Personne. Merci. Donc, si vous faites maintenant. Alors, donc il a écrit pour plusieurs journaux. C'était quelqu'un qui avait déjà une certaine expérience, tout à fait. Et il connaît Wilson depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui a des informations, oui. Il a bossé dans la presse à scandale et il a mobilisé aussi plusieurs leaders d'opinion pour. Il a travaillé dans la presse à scandale, donc il a quand même une certaine familiarité avec une presse qui s'adresse à un public large et qui présente certaines caractéristiques. Il avait mobilisé des leaders d'opinion pour faire quoi? Pour contribuer à la propagande d'État. Ici, dans le Committee on Public Information. Des cinéastes, etc. Oui, donc c'est quelqu'un qui a travaillé dans le Committee on Public Information, effectivement. Ça, on le verra dans le détail dans la séance d'aujourd'hui, car c'est lui qui dirige le Committee on Public Information. Mais avant l'entrée en guerre, il y avait déjà une campagne pour orienter, parce qu'en fait, comme les États-Unis, le président s'était fait élire sur la proposition de non-ingérence, il fallait déjà préparer l'opinion. Tout à fait, exactement ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait déjà travaillé pour la campagne électorale, pour la réélection de Wilson. Et donc, Wilson le connaissait, il le connaissait comme un journaliste, mais il le connaissait aussi quand il avait travaillé dans la campagne électorale réélection comme président en 1916. Et donc, c'est à cet homme de confiance qu'il confie la tâche de diriger cette oreille. Avec une certaine expérience dans des activités de propagande, relativement jeune, dynamique, il a au moins une quarantaine d'années, marié avec une actrice, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais c'est quelqu'un qui présente les compétences et par sa familiarité avec le média de masse par définition à cette époque, et par son investissement dans la campagne de Luxol, bah, quelqu'un qui a toutes les compétences pour pouvoir diriger un organisme d'information publique dans ce. Alors, la composition du comité et ses collaborateurs sont également intéressantes et nous donnent des pistes pour comprendre la nature de cet organisme de communication, d'information publique. En fait, à part CRIL, les autres sont des hommes d'État. C'est un comité indépendant, mais la plupart des gens qui le composent sont des hommes d'État. Il y a le secrétaire d'État, il y a le secrétaire de la guerre, le secrétaire de la marine. Donc, il y a quand même, même si ce sont des membres ex-officiaux, une idée de possibilité de contrôle. Structure indépendante, mais avec des hommes d'État. Ce qui rend la structure encore plus intéressante est une analyse bien rapide de ses collaborateurs, des gens qui tournent autour et qui collaborent aux activités de ce comité. Parmi ses collaborateurs, on doit évoquer deux personnages dont on reparlera. L'un est certainement Walter Lippmann, qui est un journaliste américain qui recevra par la suite deux prix Pulitzer et que vous avez peut-être étudié dans vos cours de sociologie de la communication, car peu plus tard, en 1921, il écrit l'un des premiers ouvrages de sociologie de la communication de masse. Intitulé Public Opinion. Walter Lippmann est quelqu'un qui est certainement expert. Ça nous donne une idée de la professionnalisation ou de l'expertise qui est quand même requise à ceux qui collaborent avec un rôle de coordination dans cette structure. Et l'autre est à l'époque un jeune journaliste, mais qui aura par la suite une carrière très importante dans le domaine qui fonde des relations aux États-Unis. Donc, cela nous donne une idée de la professionnalisation, la recherche de compétences spécifiques et aussi le rôle important que cette structure joue dans la carrière des futurs communicants. Bernays, c'est quelqu'un qui se forme dans le comité en particulier. On le verra lors de la prochaine séance, Bernays est considéré comme l'un des fondateurs des relations publiques aux États-Unis. En fait, le fondateur des relations publiques aux États-Unis forme son bagage intellectuel en travaillant pour un comité d'information publique lors de la guerre pour faire une information et une propagande de guerre. Or, comme je disais tout à l'heure, on est confronté à un Committee on Public Information. Ce n'est pas une structure secrète. Rien à voir avec ce qui se passait au Royaume-Uni. Ce n'est pas une structure secrète. Au contraire, la fondation de ce Committee on Public Information reçoit, dès le départ, une large publicité dans la presse. Donc la création de cet organisme est médiatisée. C'est vraiment l'idée de jouer la carte de la transparence. Donc, jouer la carte de la transparence, oui, mais en fait, dans le contexte de 1917, les premiers commentaires vis-à-vis de la création de cette institution sont assez hostiles. C'est une structure qui suscite immédiatement l'hostilité de l'opinion publique et l'hostilité des journalistes, au départ. Pourquoi ? Parce que on est en 1917, on sait déjà, les gens savent déjà ce qui s'est développé en termes de propagande dans les autres pays, et voient avec une certaine méfiance la création d'une structure qui est perçue comme étant, malgré tout, une structure de contrôle. Et c'est quoi la réaction de Krill ? C'est quoi la réaction de Krill vis-à-vis de l'hostilité des journalistes ? C'est de convoquer tous les journalistes à Washington, et en particulier les représentants des associations de presse, et de les rassurer, de dire très ouvertement qu'il n'y aura pas de censure, mais que le président Wilson leur demande de faire un acte de patriotisme et de s'auto-censurer, de choisir eux-mêmes comment soutenir leur patrie. C'est une stratégie de communication. On va parlera dans la séance sur les relations publiques, qui porte un résultat très concret, c'est-à-dire que la très grande majorité des journalistes acceptent cette suggestion par esprit patriotique, et cela contribue à construire un réseau autour de ce comité qui se servira de plus en plus de compétences spécialisées de tous les professionnels de la communication des États. Et donc, non seulement les journalistes, mais aussi les publicitaires, Madison Avenue est largement mobilisée dans la production de la propagande coordonnée par le Public and Public Information. Quelle est la structure du Public and Public Information? La structure du Public Information est assez classique. Dans toutes les structures de communication en situation de guerre, il y a deux sections. Une section qui s'adresse au front intérieur, la domestic section, et une section qui s'adresse à l'extérieur, qui s'adresse à l'étranger. D'un côté, la foreign section est une section qui mobilise toutes les grandes agences de presse américaines qui collaborent systématiquement avec le Committee on Public Information. Et donc, encore une fois, la mobilisation d'expériences professionnelles et d'expertise qui sont déjà en place. La section étrangère joue un rôle très important aussi dans la diffusion de toute une série de mythes, comme le mythe de la croisade des démocraties pour une paix qui aurait relié les droits de l'humanité, est un produit de la domestic section du Public and Public Information, qui travaillera aussi à la réalisation d'une autre document qui a une valeur propagandiste importante et qu'on définit généralement par l'expression des 14 points de Wilson, qui est effectivement un document et un contenu qui a une valeur propagandiste extrêmement importante. La domestic section se sert des principales agences de presse, mais elle se sert aussi d'un service, un mail service et un bureau de la presse étrangère qui envoie aux autres pays un flux constant d'informations. Plus concernant l'information, puis se nourrit par des lettres écrites, rédigées par des écrivains, des journalistes, qui font tous partie de ce service et qui soutiennent les activités de ce service. La section intérieure est la section qui a le plus d'articulation. Je ne vais pas m'attarder sur les articulations de la domestic section car elles sont décrites dans l'article, le chapitre que vous avez vu pour aujourd'hui. Creel en parle abondamment dans son ouvrage. Il y a une division des news, des nouvelles. Il y a une division qui est plutôt axée sur l'aspect de la coopération avec les écoles, les écrivains, les éducateurs, les traducteurs bénévoles, qui produit énormément de pièces de littérature. Et puis, une des innovations de cette structure est la speaking division, qui est très importante parce qu'elle nous montre bien que lorsqu'il s'agit d'orchestrer la communication et la propagande, il n'est pas uniquement question de médias de communication de masse. Même l'oralité, c'est-à-dire l'un des médias les plus vieux du monde, peut jouer un rôle essentiel dans le cadre d'une campagne de communication spécifique. La Speaking Division porte à la constitution de ces leaders d'opinion, les Forming Panel, qui sont des personnes formées par le Committee on Public Information pour parler dans les lieux publics et diffuser la bonne parole, en quelque sorte, dans cette communication qui se veut plus spontanée, plus informelle. Ils reçoivent bien évidemment un canevas et une fois par semaine, vont dans des lieux publics pour diffuser, comme je le disais, la bonne parole. Ici, c'est un exemple très intéressant parce que ça nous montre que lorsqu'on travaille sur la question des techniques de propagande, il n'est pas tout simplement question de martèlement propagandiste via des médias de masse, via la presse, mais aussi des médias informatiques. informelles basées sur l'influence personnelle peuvent jouer un rôle important. Et ici, vous voyez qu'il y a des affiches, ce sont des affiches de recrutement, donc il y a une mobilisation, on demande aux gens de se transformer en propagandiste volontaire de la propagande d'État. Donc c'est l'idée d'impliquer les citoyens dans la propagande d'État de manière active, un peu comme Krill essaye d'impliquer les journalistes dans la propagande d'État. Et ça va un certain succès, car on compte environ 75 000 orateurs pour une audience totale de plus de 300 millions de personnes. C'est un service très structuré. On sait que le Committee for Public Information fournit aux orateurs les textes des messages de 5 minutes. Mais un Canva, pourquoi un Canva et non pas le texte tout rédigé? Parce qu'il faut que ce soit plus spontané. Quelqu'un qui déclame des messages appris par cœur n'est pas convaincant. Quelqu'un qui parle et qui explique avec ses propres mots un contenu qui est un contenu idéologique peut apparaître nettement plus convaincant, même si le discours est moins fluide. Et cela nous montre qu'il y a une réflexion, une vraie réflexion au sein de ce comité sur la communication et sur les formes de communication qu'elle choisit. Comme je le disais tout à l'heure aussi, toute l'industrie de la publicité qui est déjà bien développée aux États-Unis à cette époque est mobilisée dans le Committee on Public Information, ainsi que le cinéma. Il y a une division film qui produit aussi des films, des fictions, avec un contenu propagandiste très explicite. Alors, je parlais tout à l'heure de l'implication du monde de la publicité, de mise en œuvre des artistes commerciaux et des publicitaires. L'exemple qui est souvent évoqué et que j'ai évoqué en introduction lors de la première séance de ce cours, le cas de l'affiche de James Montgomery Flagg qui représente l'oncle Sam qui pointe le public en disant « I want you for the US Army » est assez symptomatique de cette tendance. Donc à la mobilisation d'une expertise et d'une compétence professionnelle de haut niveau et aussi l'implication des professionnels de la communication commerciale dans la sphère politique lors de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Pourquoi j'attire votre attention sur cet aspect? Parce que il est fréquent d'entendre des gens qui pensent que l'idée d'une de transfert de compétences entre le politique et le commercial est un phénomène relativement récent qui apparaît ou apparaîtrait uniquement à partir de la guerre du Golfe de 1991. Non, en fait, les premiers exemples de transfert de compétences entre la sphère politique et la sphère commerciale remontent justement à la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que c'est une guerre totale qui nécessite la mobilisation de tous les médias, qui nécessite de la mobilisation d'expertise destinée à la communication persuasive, et qu'à cette époque, les publicitaires sont une profession naissante qui dispose de cette expertise. Ce n'est donc pas par hasard si les auteurs de la plupart des affiches de propagande de la Première Guerre mondiale sont des dessinateurs commerciaux. Ici, c'est un cas assez emblématique. Déjà, c'est une affiche il faut être bien conscient du fait que cette affiche récupère toute une série d'images qui sont bien ancrées dans la mémoire collective, l'image de l'oncle Sam, cette allégorie qui est utilisée pour représenter la nation et qui résume une idée complexe à travers une image, donc qui est parlante dans ce contexte, la représentation, l'anthropomorphisation des États-Unis. Lorsque vous parlez de la mobilisation d'une nation, c'est compliqué, l'allégorie permet de parler de l'affiche. Mais c'est important de connaître aussi le contexte de production concret de l'affiche elle-même. Je le dis souvent, la propagande n'est pas du tout une question purement immatérielle, frivole, éphémère. Non, il y a un contexte de production, il y a des gens qui produisent. Et en fait, cette image ne naît pas en tant qu'affiche. La première, disons, production de cette image est dans la couverture, donc faite par un affichiste commercial qui vit, affichiste et dessinateur commercial qui vit de son travail de dessinateur, occurrence de cette image, date de, d'un an avant, en fait, lorsque James Montgomery produit cette couverture, cette page de couverture pour une revue qui avait justement consacré un numéro au débat sur la guerre. Tout de suite après, l'image est réutilisée à des fins, cette fois-ci, commerciales, pour une publicité. Est-ce que tu connais les faits qui concernent ton pays? Et l'image de l'Angleterre est utilisée pour inviter les lecteurs de cette revue à acheter une encyclopédie. Regardez la date, on est en 1916. Oui? Est-ce qu'aux États-Unis, c'est aussi une arme de conscription ou volontaire? Pour la... c'est volontaire? Bien évidemment. C'est l'idée de... Oui, bien sûr. C'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Autrement, il n'y aurait pas une propagande destinée... Ça, c'est, merci pour cette remarque, parce que dans les pays dans lesquels il y a une armée de conscrits, c'est le cas de l'Italie, que je connais assez bien, en fait, il n'y a pas de développement d'une propagande visuelle jusqu'au moment où il y a, l'État a besoin d'adresser aux populations un autre type de propagande, c'est-à-dire celle qui consiste à demander de l'argent aux citoyens, aux épargnants. Toute la propagande pour les emprunts de guerre. Et donc, par exemple, en Italie, donc dans les pays dans lesquels il n'y a pas d'armée de conscrits, bien évidemment, c'est relativement précoce. Dans les pays comme l'Italie, mais même en France, où toute la campagne pour l'emprunt de guerre utilise ce même genre de schéma visuel. Mais elle est plus tardive, parce que justement, c'est une exigence qui apparaît plus tard. Okay. Donc, revenons sur les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre. Le dessinateur James Montgomery Clay a déjà produit son image à des fins commerciales pour promouvoir l'achat d'une encyclopédie. Ensuite, les États-Unis entrent en guerre et le Committee on Public Information s'adresse à ce dessinateur qui a déjà produit des très belles couvertures, de belles publicités, qui est célèbre pour toute une série d'affiches totalement commerciales. Il a dessiné, ici c'est un exemple d'une publicité pour vendre la crème de blé. Donc c'est un affichiste très connu, l'un des plus payés, un des dessinateurs commerciaux les plus payés des États-Unis. Et lui demande de pouvoir se servir de son image, de cette image qui est très belle, pour justement la campagne de recrutement. Pourquoi cette image? Pour comprendre l'usage de cette image, il faut vraiment s'interroger sur voir encore une fois les aspects matériels. James Montgomery Clay, que vous voyez représenté dans cette photo, est un dessinateur commercial. Généralement, quand il fait des affiches, il utilise des modèles. Mais payer des modèles coûte cher. Effectivement, si vous regardez la physionomie de l'Oncle Sam, vous découvrirez probablement les traits du dessinateur lui-même. D'ailleurs, si on prend une photo de James Montgomery Clay un peu plus vieux, on voit que c'est bien lui. Donc c'est un autoportrait. Pourquoi? Des raisons très très matérielles, en fait. C'était moins cher de faire un autoportrait que de payer un modèle. Mais revenons à la mobilisation des expertises. Vous avez compris que ici on mobilise des expertises qui se construisent dans un contexte particulier. Dans un domaine particulier qui est celui de la publicité commerciale, donc pas dans l'univers politique, mais qu'on réutilise dans un univers politique, lorsque l'expertise de James Montgomery Clay est mobilisée dans le cadre du Committee on Public Information. Et à partir du moment où le Committee on Public Information demande à Clay de collaborer avec le Committee on Public Information, il y aura une prolifération d'images. Cet auteur est extrêmement prolifique. Il commence à travailler activement dans la propagande d'État. Comité par État, c'est une propagande. Ça, ce sont des variantes du thème de l'Oncle Sam, qui aura par la suite un énorme succès. Donc, il y aura énormément de reprises d'images de toutes sortes. Donc, il suffit de c'est pas trop difficile, c'est un exercice assez séduisant, c'est-à-dire que les reprises d'images sont assez fréquentes dans le domaine de la propagande, comme dans le domaine de la publicité. D'ailleurs, la publicité comme la propagande se base sur un point visuel. Donc, la reprise d'image est l'un des mécanismes les plus fréquents, parce que l'image qu'on connaît déjà est parlante, on la reçoit plus facilement. On voit que c'est une image qui aura un grand succès et qui marquera pendant longtemps l'imaginaire collectif. L'exercice de voir toutes les reprises d'images est séduisant, mais est relativement facile dans un univers, comme je disais, comme celui de la communication de masse qui se base largement sur la reprise d'images. Et l'image de James Montgomery Flagg est d'ailleurs, comme je le rappelais lors de la première séance, à son tour, le résultat assez évident d'une autre reprise d'image. La reprise de la fameuse, de la célèbre affiche britannique qui représente Lord Kitchener, qui pointe le public en disant « Ton pays a besoin de toi ». Et qui est l'un des premiers exemples d'affiches de mobilisation graphique produite au Royaume-Uni en 1914. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça veut dire que pour produire la communication à des fins de persuasion politique, militaire ou commerciale, les artistes commerciaux, comme les organisateurs de la propagande, font un travail de documentation et d'observation de la propagande. Lorsqu'on parle de rationalisation des activités, lorsqu'on parle de mobilisation des expertises, ce qui est une caractéristique du travail qui est fait lors de la Première Guerre mondiale, c'est que les gens, pour produire propagande, étudient la propagande. Flagg récupère le travail de son collègue britannique Alfred Leith, car ce travail est un travail qui a montré son efficacité, son succès. Et le travail d'Alfred Leith nous montre encore une fois les frontières, relativement la porosité entre des frontières entre la sphère commerciale et la sphère politique. La mobilisation des expertises et des compétences qui existent. L'importance d'utiliser les publicitaires. Alors, l'image, encore une fois, la première occurrence de l'image de Lord Kitchener qui pointe le public est produite plutôt dans le cadre d'une revue. Cette fois-ci, ce n'est pas une allégorie, c'est un homme en chair et en os, c'est le ministre de la guerre britannique. Ministre de la guerre britannique que les citoyens britanniques connaissaient déjà en raison de plusieurs appels typographiques dans lesquels le nom de Lord Kitchener était affiché, et bien évidemment plus forte dans sa communication en montrant son visage. Alfred Leith avait produit la couverture d'une revue avec cette image. Et à partir du moment où l'Angleterre entre en guerre, on lui demande d'en faire une affiche. Alfred Leith, comme James Montgomery Flagg, est un dessinateur commercial. C'est un dessinateur commercial, donc c'est quelqu'un qui a déjà une compétence et une expertise. Jusqu'au 19e siècle, comme je le disais tout à l'heure, les affiches typographiques sont une spécificité du domaine commercial. Dans le domaine politique, il n'y a pas d'affiche. C'est ici, à partir de ce moment, c'est une rupture qu'on assiste à l'émergence des affiches typographiques via la mobilisation des publicitaires. Leith était célèbre pour ses publicités de la bière Guinness ou encore pour les publicités du métro de Londres. Des marques qui sont vraiment très très belles et très célèbres, donc il est l'auteur. Et il est vraiment l'auteur de ça. Vous voyez que les compétences migrent d'un domaine à l'autre, du domaine politique au domaine commercial. Et toutes ces images envahissent l'espace urbain, en fait, des contemporains. Lors de la Première Guerre mondiale, il y a quelque chose qui frappe les contemporains est la présence massive de la propagande. La présence massive de la propagande qui dépasse les frontières. Qui dépasse les frontières. Les affiches de recrutement se trouvent sur chaque panneau, dans la plupart des vitrines, dans les bus, dans le tram, dans les fourgonnettes commerciales. La grande base, la colonne Nelson, est ouverte avec eux. Leur nombre et la variété sont remarquables. Partout, leur Kitchener pointe sévèrement d'un doigt monstrueusement gros en s'écriant « Je te veux ». Et on retrouve des témoignages et des traces de cela dans tous les supports, que ce soit des témoignages écrits, que ce soit des sources visuelles, que ce soit le monde de l'art. Ici, c'est un tableau que j'ai trouvé dans les collections de l'Imperial War Museum. C'est un tableau, donc, de l'art, de 1918, qui représente un métro pendant un bombardement. Et si on regarde bien, on voit que, comme chose qui est représentée, qui représente l'environnement, on voit un fond dans lequel il y a des affiches. Et ce sont des affiches non pas génériques, ce sont des affiches bien précises. Cela nous montre à quel point la présence des affiches de guerre marque l'imaginaire et la perception des contemporains. En fait, l'affiche qui est représentée sur le fond est bien celle-là. Vous le voyez, vous verrez probablement encore mieux dans les slides que vous verrez à la maison, qui à son tour est une reprise d'image d'une affiche qui avait été produite encore une fois par un artiste à des fins totalement différentes pour promouvoir une exposition d'art. Et d'ailleurs, si on regarde la circulation, encore une fois, des images, et on se focalise sur la question du transfert, on voit qu'à l'origine de cette affiche, il y a quelque chose qui rentre dans la culture de masse de l'époque, c'est-à-dire une affiche justement commerciale, qui introduit le modèle de l'interpellation dans une forme de communication de masse au début du XXe siècle, c'est la publicité pour des cigarettes qui à cette modalité classique de l'interpellation qui est véritablement transversale. Il y a un article très très beau de Carlo Ginzburg sur l'affiche de James Montgomery Flagg qui montre comment il y a une récupération d'images qui remonterait selon sa théorie jusqu'à l'iconographie religieuse. Donc, justement, car dans l'univers de la communication de masse, utiliser la mémoire visuelle est essentiel pour le fonctionnement communicationnel. Donc, tout cela, et cette longue parenthèse sur un cas particulier d'affiche, est symptomatique des caractères nouveaux de cette guerre, qui comporte beaucoup de ruptures. Une rupture dans le type de guerre, qui concerne toute la population, qui efface les frontières entre civils et militaires, qui demande la mobilisation de nouveaux médias, qui existaient déjà, mais qui sont mobilisés à des fins militaires, ou à des fins d'action psychologique, qui demande la mobilisation de toutes les compétences qui existent pour produire une adhésion, et qui donc efface les frontières aussi entre la sphère politique, la sphère commerciale, la sphère militaire. C'est le début d'une dynamique qui prolonge leur trace jusqu'à nos jours. Quelles sont les grandes tendances lors de la Première Guerre mondiale? Tout d'abord, qu'au début, il y a des initiatives privées et ensuite un processus progressif d'étatisation, mais encore d'une manière incertaine. Seul cas, le ministère de la propagande de l'information est le ministère britannique. Une volonté d'institutionnalisation, de créer des structures ad hoc, quelle qu'en soit la forme, privée, secrète, publique, c'est la prise de conscience par les États de l'importance des médias et des moyens de création du contenu. Il y a peu d'innovation technique. C'est-à-dire que, comme vous avez pu le constater, les médias qui sont utilisés sont des médias qui existaient déjà. L'affiche existait déjà, la presse existait déjà, la radio, la télégraphie, mais il y a un travail d'orchestration, de coordination, et aussi un travail réflexif qui est fait sur l'usage des médias. Or, dans la plupart des pays, on considère que la propagande d'État, que la plupart des pays viennent de découvrir, doit rester un phénomène exceptionnel. Il y a la guerre. Car il serait en quelque sorte contraire à la démocratie. Tout débat qui est repris dans l'article, le chapitre de crime, est assez symptomatique de cette tendance, qui déclenchera d'ailleurs pas mal de débats pendant l'entre-deux-guerres. Et d'ailleurs, le ministère de l'Information britannique cesse ses activités après la fin de la guerre, et même chose pour le Committee on Public Information. Donc il y a cette perception, cette idée selon laquelle il y aurait une sorte d'incompatibilité entre l'étatisation de la communication et le bon fonctionnement d'une démocratie. Comme si la propagande d'État était une spécificité des situations exceptionnelles. On peut considérer la guerre comme une situation exceptionnelle au XXe siècle. Ce qui conduit aussi à une image bien particulière de la propagande. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale est aussi un moment de rupture pour ce qui concerne la représentation elle-même de la propagande. Les connotations qui sont attribuées au mot propagande. C'est à partir de la Première Guerre mondiale, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, que la propagande commence à être considérée comme un synonyme de bourrage de crâne. Bourrage de crâne, martèlement, c'est l'image classique de la propagande qui s'affirme à cette époque. Et quelle image du mensonge? On l'a vu lors de la première séance, la propagande est considérée comme une activité noble jusqu'au début du XXe siècle. Qu'il s'agisse de propager la foi, de propager les idées révolutionnaires, de propager la transformation de la société, la santé, l'éducation, etc., c'est une activité positive. Qu'il s'agisse de promouvoir des nouveaux produits, de la production de masse, c'est considéré une activité positive. Parle de propagande commerciale. Puis, à partir de ce moment, propagande commence à devenir un autre mot. C'est une autre transformation importante. Cette image est assez symptomatique de la nouvelle connotation de la propagande et de l'après-guerre. C'est l'image allemande, c'est une caricature allemande qui représente la transmission de l'information. Vous voyez qu'il y a le télégraphe qui a représenté, il y a les agences de presse qui sont des grenouilles, Reuters et Abbas, et cette gorgone qui est habillée de toute la presse des pays alliés qui transmet des informations mensongères. Mais si on regarde des caricatures de l'autre côté qui ridiculisent les communiqués allemands, ben on voit que de tous les côtés, il commence à y avoir un discours critique vis-à-vis de la propagande allemande. Donc la propagande commence à faire l'objet de discours et l'objet de débats. Et ce n'est pas étonnant si, avec la fin de la guerre, commencent les études sur la propagande. Ouais. Vous dites que la propagande, à ce moment-là, dans les activités du CPI. Les activités du CPI s'arrêtent, oui, bien sûr. C'était indiqué aussi dans l'article que vous avez lu à la maison. Oui, bien sûr. Les activités du Comité en Paris du Comité s'arrêtent avec la fin de la guerre. Et après la guerre, Philippe essaye de justifier ce qu'il a fait. Okay. Tout est clair? Oui. Donc, c'est pourquoi, c'est à raison de toutes les transformations qu'on a vues jusqu'ici, à partir de la fin de la guerre, il commence à y avoir une attention aussi scientifique pour les dynamiques communicationnelles et plus spécifiquement pour les formes de communication persuasive. Comme je le disais, la guerre 14-18 est un moment charnière aussi pour les théories de la communication. C'est à partir de ce moment qu'il commence à y avoir cette image, cette assimilation du mot propagande et de l'expression de bourrage de crâne. Mais qu'il commence aussi à y avoir une réflexion sur la propagande et ses techniques. Comment la propagande fonctionne? Une vraie floraison d'études. Les enseignements psychologiques de la guerre. On retrouve même notre ami Gustav le bon qui écrit. Bon, lui, il suit l'actualité et les sujets qui intéressent. Donc, il publie en 1916 un livre sur les enseignements psychologiques de la guerre européenne, les premières conséquences de la guerre, la psychologie des temps nouveaux. Donc, même les vieilles connaissances se lancent dans l'écriture sur la propagande. On a toutes sortes de littérature. Les deux ouvrages que je vous ai proposé de lire pour cette séance sont symptomatiques de cette floraison d'études ou d'écrits, bien qu'elles aient des caractéristiques fort différentes. L'ouvrage de Krill de 1920 est assez symptomatique de cet intérêt et de cette réflexion à 360 degrés sur la propagande telle qu'elle a été réalisée pendant la guerre et sur la légitimité ou pas d'une propagande d'État en démocratie. Donc une réflexion sur la propagande, une réflexion sur ses techniques, et plus généralement une floraison internationale d'études sur la propagande. L'ouvrage de Laswell en est également symptomatique. C'est un ouvrage qui nous permet de voir que beaucoup a déjà été écrit lorsque Laswell publie son ouvrage sur les techniques de propagande de guerre. On y reviendra tout à l'heure. Et c'est quoi l'image de la propagande qui s'affirme à cette époque? C'est l'idée de la propagande comme de quelque chose d'essentiel, une arme, une véritable arme de guerre. Dans la plupart des témoignages de l'époque, la propagande est considérée comme une cause explicative de la victoire des uns et de la défaite des autres. Je m'étais toujours, je cite, extraordinairement intéressée à l'activité de la propagande. C'est seulement pour la première fois, au cours de la guerre, que je pus me rendre compte à quel prodigieux résultat peut conduire une propagande judicieusement menée. Donc on parle de résultats prodigieux et de découvertes. C'est la première fois que je découvre ça. Prodigieux résultat que peut conduire une propagande judicieusement menée. Et si encore toutefois, il fallait malheureusement tout étudier sur la partie adverse. Dans cette propagande de guerre ennemie, je me suis énormément instruite. Celui qui écrit ici n'est pas un publicitaire, mais c'est Adolf Hitler. Un passage tiré de Mon Combat, qu'on lira aussi, non pas une extension, mais un chapitre sur la propagande des guerres mérite d'être lu, donc on le fera dans une des prochaines séances, qui justement donne son retour sur la place de la propagande de guerre et de son expérience de la propagande adverse, donc la propagande alliée, sur sa propre formation, la découverte du rôle essentiel de la propagande. Dans la vie collective, politique et dans la guerre. Donc, il commence à y avoir énormément d'études, mais qui ont des motivations différentes. D'un côté, il y a une vraie conceptualisation de la propagande comme arme de guerre. Arme de guerre. Arme de guerre qui intéresse les milieux militaires. Ici, c'est un document qui vient des Archives nationales de France, d'un monsieur qui s'appelle Colonel Schiffer, qui en 1937 raconte son expérience au sein du deuxième niveau de l'armée et qui tire ses conséquences aussi de la Première Guerre mondiale. En temps de guerre, la propagande est une arme comme une autre dont je me défends d'autant mieux que j'ai moi-même porté auparavant le coup en temps voulu. La propagande est nécessaire à tout État, notre également. Celui qui s'en désintéresse renonce à l'une des meilleures armes qu'il a désarmé. Vous voyez le passage que je cite, un passage de 1937, mais ce monsieur est actif au sein des services plus ou moins qui sous différents noms sont des services de communication depuis la Première Guerre mondiale. Et cette idée selon laquelle la propagande est une arme de guerre remonte justement à la Première Guerre mondiale. C'est le temps de la découverte, de la prise de conscience. Deuxième élément, à partir de la Première Guerre mondiale, il commence à y avoir des regards croisés. Je vous ai donné l'exemple très concret des dessinateurs commerciaux qui regardent autour d'eux, ce sont des regards internationaux et transdisciplinaires, si vous voulez, qui peuvent déjà en 1933, un monsieur qui s'appelle Alfred publie une bibliographie sur les études concernant la propagande de la guerre 14-18. Et cette bibliographie, que vous pouvez consulter, je pense, sur JSTOR, via JSTOR, la plateforme d'archivage, compte déjà quelques centaines de pages. Deux ans après, Harold Glasswell et d'autres collaborateurs publient un ouvrage qui s'appelle Propaganda and Promotional Activities, qui compte 450 pages et qui est un ouvrage purement bibliographique. D'ouvrage, c'est comme un état de l'art complet de tout ce qui a été publié depuis la Grande Guerre sur la propagande. Donc c'est une véritable floraison d'études internationales, d'études sur la propagande. C'est quoi l'image de la propagande dans cette littérature? C'est une image très forte. C'est l'image et l'idée des médias comme entité toute puissante. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de l'analyse des médias comme entité toute puissante, et donc il suffit d'analyser les contenus pour voir les idées qui sont véhiculées. L'idée qui a été baptisée par après comme idée de la sérénicodémie. Donc ce n'est pas la Suède qui parle du sérénicodémie. Je pense que vous n'avez pas trouvé de trace dans ces écrits. C'est une expression qui a été utilisée a posteriori pour désigner les caractéristiques de toute une série de théories de cette époque qui pensent que les médias sont tout puissants, en raison de ce que les gens ont vécu de la propagande. C'est la première fois que les populations sont exposées à ce genre de martèlement. D'où aussi la tentative d'identifier des lois de la propagande, qui sont codifiées dans plusieurs ouvrages. À partir de ce moment, si vous faites des recherches sur les manuels de communication, vous trouverez énormément de manuels de recettes. Qui donnent des recettes comme celle-là. Toute la culpabilité doit être placée de l'autre côté de la frontière. Pour ceux qui conservent les buts de la guerre, notons que les guerres se font presque toujours au nom de la sécurité et de la paix. Ce sont des choses assez qui peuvent nous paraître banales aujourd'hui, mais c'est la tentative de conceptualiser, de comprendre ce qui marche en termes d'argumentation et de contenu lorsqu'on fait une propagande de guerre. Un travail de synthèse sur ce principe a été fait par un collègue de l'université, Anne Morelli, qui, dans ses principes élémentaires de propagande de guerre, c'est un ouvrage qui est plutôt un ouvrage de vulgarisation et très bonne vulgarisation, fait une synthèse des écrits de cette époque. Effectivement, on peut retrouver de manière transversale certains principes discursifs dans tous les manuels et les ouvrages normatifs qui apparaissent à cette époque. C'est clair que lorsqu'on parle de la Suède, on ne parle pas du tout de ça. C'est un ouvrage qui a une nature bien différente, et donc, vu qu'il nous reste plus ou moins une quarantaine de minutes, je vous laisse. Pour commencer à travailler sur nos sources qui nous ramènent au contexte qu'on a développé dans le livre. Et voilà, je vais encore vu que j'ai parlé beaucoup, de vous laisser la parole pour qu'on puisse décortiquer ensemble ces deux ouvrages qui peuvent être aussi l'occasion pour poursuivre la discussion sur plein d'aspects qu'on a abordés aujourd'hui. Et je pense que la question essentielle qu'il faut toujours se poser lorsqu'on analyse sur des sources historique ou contemporaine sur la communication est de comprendre comment situer les textes dans leur contexte, de comprendre quel est le profil de l'auteur, le public cible, la nature, les arguments, l'argumentation, l'appareil critique. Et donc, j'aimerais bien, vu qu'on a fait tout ce travail de contextualisation, qu'on commence par le premier ouvrage. Donc, le contexte, en fait, on le a en quelque sorte déjà, mais je pense qu'il est important de bien comprendre la nature de la source. Et donc, voilà, je serais un peu demander la matrice de cette source qui est. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Pas nécessaire de respecter toujours la grille, parce qu'on a un master, c'est assez évident. Autant. Il y a quelqu'un qui a mis un petit minute sur cette. Oui, merci. Pour moi, je sais que c'est un livre, mais quand Merci. Merci beaucoup, c'est un très bon commentaire. Alors, c'est un livre mais dans lequel ce monsieur utilise beaucoup la première personne et aussi la première personne du pluriel pour expliquer les raisons du travail de ce Committee on Public Information. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a cet usage de la première personne, que d'ailleurs, on retrouve aussi dans le livre. Et le paratexte nous donne souvent des informations fort utiles pour comprendre la nature d'une source. Et c'est très important de comprendre la nature d'une source pour pouvoir l'analyser d'une manière correcte. C'est-à-dire qu'on n'analyse pas de la même manière un manuel de propagande, un ouvrage scientifique ou un témoignage. C'est des choses différentes. Okay. Il faut être bien conscient de la chose. Donc, ici, il y a cet usage de la première personne. D'autres commentaires sur la nature de la source. Il parle de quoi? Voilà. Avons-nous des indices paratextuels, donc qui ne concernent pas directement le texte, mais même dans la couverture? Est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettent de comprendre quelle est la nature? Corner of the globe. Et je dirais même plus que ça. Pensez au type de vocabulaire qui a été utilisé. C'est quoi le gospel? Oui. C'est religieux. C'est religieux. To every corner of the globe, c'est urbi et orbi. C'est la même chose, hein? Ça, je sais. C'est partout dans le monde. Il aurait pu le mettre en latin, c'est la même chose. C'est religieux. Le gospel, c'est quoi? Oui, l'évangile. C'est vraiment la diffusion, c'est un vocabulaire religieux. L'évangile de l'américanisme, c'est l'idée de l'Amérique, mais comme religion, comme idéologie. Et encore, c'est l'idée de porter la bonne parole. Donc, vous voyez que même le titre, c'est-à-dire lorsqu'on lit des ouvrages, pour comprendre la nature de la source, on oublie toujours le paratexte, mais le paratexte nous donne des indices essentiels pour pouvoir analyser correctement un ouvrage. Alors, c'est quoi le contenu? C'est quoi le contenu de ce document? Non, d'abord, c'est quoi donc la nature de l'ouvrage? On a dit, c'est un témoignage. Mais c'est uniquement un témoignage. C'est un témoignage qui a une fonction bien précise. Oui, de justification. Il est donc important de bien le situer dans le contexte. Ça date de quand, cet ouvrage? Oui. 1920. Donc, vous comprenez qu'on est précisément dans le contexte qu'on a évoqué tout à l'heure, de prise de conscience de ce qui s'est passé et de débat intense au sein de toutes les sociétés qui ont été impliquées dans le conflit sur la légitimité d'une propagande d'État. Écrit, essaye de justifier son travail. Et bon, c'était un travail patriotique, un travail légitime. Bien évidemment, en lisant ce document, on voit réapparaître toute une série d'arguments qui sont fort présents dans la littérature de cette époque. L'idée, c'est important de comprendre la nature de la source, le contexte, on l'a identifié, mais de comprendre aussi comment l'argumentation se développe. L'idée de la guerre totale est transversale, elle est bien présente, elle est extrêmement importante. Il parle de second lines. Second lines est le front intérieur. C'est l'idée de l'effacement des frontières. Si j'ai mis un passage, mais on pourrait en méditer, c'est pas un cas isolé. Donc, ce qui justifie l'action du Permit of Public Information a été justement le caractère nouveau de la guerre. Et lorsque l'historien vous parle du lien, d'une certaine manière, des relations qui existent entre les transformations de la guerre et l'usage de la communication, c'est justement qu'il se base sur toute une série de sources qui sont produites par les contemporains. Les témoignages font partie de ces sources. Il y a, vous le voyez, it was the fight for the minds of men, l'utilisation d'un langage militaire. C'est le combat. La ligne de combat qui traverse chaque pays. Donc cette idée d'effacement des frontières et de présence, omniprésence de la guerre, n'est pas une idée, n'est pas une abstraction, n'est pas quelque chose qui est identifié a posteriori par les historiens, mais c'est quelque chose qui est transversal qu'on retrouve dans tous les témoignages de l'époque. L'argument central est l'action de la défense du Parti de l'Opération contre les accusations de censure et de propagande. Donc l'ouvrage n'est comme réponse à toute une série d'accusations qui sont juste évoquées dans le texte, mais qui représentent visiblement la motivation qui porte l'auteur à écrire ce document, qui est un témoignage, et ce sont des mémoires en fait, ce qu'il a fait. C'est un travail qui a un côté côté auto-expressif, c'est pas un ouvrage scientifique, on est bien d'accord. C'est pas non plus un manuel, c'est pas un ouvrage normatif. Donc, savoir quelle est la nature de la source, quel est le but de l'auteur. Ici, c'est quelqu'un qui doit se défendre d'accusation dans un contexte particulier. Ouais. Est-ce que le livre a eu beaucoup de succès? En termes de circulation, oui. Et je pense que vous avez des éléments pour savoir s'il a eu du succès, comme vous avez lu La Suède. Si vous avez lu La Suède. Si vous n'avez pas lu La Suède, bah, quelqu'un qui a lu La Suède pourrait me dire qu'effectivement, il a eu un certain succès. Il y a quelqu'un qui a eu le courage de lire La Suède. Merci. Et vous n'avez pas remarqué les références à l'ouvrage de Krill? Vous avez lu uniquement La Suède? Alors, je vous le confirme, Alain fait plusieurs reprises une lecture attentive du texte. La Suède fait allusion à l'ouvrage de Krill comme un ouvrage essentiel dans les débats qu'il y a eu, au moins aux États-Unis, sur la propagande, la légitimité de la propagande. Donc, c'est un ouvrage qui a une grande circulation à l'époque et qui fait l'objet, à son tour, de débats et qui rentre dans le débat et qui devient une source pour le débat académique. Donc, ma question, c'est est-ce que dans le public, mais aussi, est-ce que son livre est quand même plutôt pour le public américain et pas seulement pour les académiques qui s'occupent de la littérature? Justement, La Suède parle de la diffusion de l'ouvrage. Donc, si vous voulez des chiffres concernant la diffusion, je ne les ai pas. Mais en fait, les autres textes, donc l'intertextualité nous fait comprendre qu'il a fait objet de beaucoup de débats. C'est un ouvrage qui est médiatisé, par exemple, dont on parle dans la presse. C'est-à-dire, c'est un vrai cas, celui de... Parce que justement, le cas du Committee on Public Information était très célèbre, donc il y a un débat public concernant cela. D'autres questions? Oui? Vous avez parlé de la prise de conscience après la Première Guerre mondiale. Est-ce que cette prise de conscience n'était pas déjà un peu présente chez Gustave Le Bon? Parce que quand il parle de l'avènement de l'ère des masses, est-ce qu'il ne sous-entend pas que par une mobilisation totale, ça entraînerait une guerre totale? Enfin, moi, j'ai plus compris ça comme ça. Qu'une mobilisation totale impliquerait une guerre totale? Oui. Non, ça pas. Par contre, il y a une chose très correcte que vous dites. Alors, Le Bon, mais comme tous les auteurs du 19e siècle, donc, et je fais exprès de parler de littérature savante, souligne le rôle des masses et sont parfaitement conscients de l'importance que les masses du rôle des masses dans la vie collective. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus difficile de gouverner sans se poser le problème de la gestion des masses. Donc il y a cette conscience chez Le Bon, comme chez Tarde, comme chez Sigele. Par contre, cette conscience n'est pas présente chez les tenants du pouvoir politique au XIXe siècle. C'est ça que je veux dire. Donc lors de la Première Guerre mondiale, cette conscience, ce sont les États... qui prennent conscience, les gouvernements, les hommes politiques qui prennent conscience du fait qu'en gros on ne peut pas faire la guerre si la population ne donne pas son accord. Et lorsqu'on dit bon, la propagande est érigée en cause explicative de la défaite ou de la victoire, c'est que en Allemagne c'est l'écoulement du front intérieur qui fait perdre la guerre. Donc on comprend que cette dimension, la prise de conscience est plus générale. Elle sort de la littérature savante pour devenir un objet de débat collectif. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, plus ou moins. Plus ou moins, ou non, s'il reste des doutes. Parce que moi j'ai lu des passages où il... Enfin, ce n'est pas dans les deux chapitres qu'il fallait lire, mais il y avait des passages où il... Des notes en bas de page où il traitait spécifiquement de la guerre. Et il parlait qu'en temps de guerre, il y a une... C'est un peu caricatural ce qu'il dit, mais il y a une sorte d'uniformisation du point de vue et des mobiles de toute la nation. Et que si cette mobilisation est totale, il n'a pas dit tel quel, mais ça sous-entendrait que si il devrait y avoir un conflit, ben, il y aurait beaucoup plus de dégâts que pour les guerres précédentes. Il faudrait voir le passage exact, parce que le bon est tellement vague dans la manière de citer les événements et que ce serait tout à fait possible, mais je ne le considérerais pas comme un précurseur de cette idée, tout simplement parce qu'il n'y a pas de... Il faudrait vraiment qu'on voit le passage auquel vous faites allusion, parce que bon, l'idée, la réalité même de la massification de la guerre est quelque chose qui n'est pas encore présent dans l'élaboration de l'époque de Le Bon. Donc, éventuellement, n'hésitez pas à m'indiquer la fameuse lance de battage pour qu'on puisse voir ensemble s'il y a cette idée déjà présente. Cela dit, chez Le Bon, comme chez Tarde, comme chez Siegele, l'idée d'une influence, de la nécessité d'une influence, de la nécessité d'influencer les masses et de les gouverner sur l'angle des formes de persuasion est déjà bien présente. Lorsque je parle de prise de conscience lors de la guerre, je fais allusion aux États. Et ça, c'est important de bien le fixer. C'est un autre dictateur. C'est pas l'univers des savants, des intellectuels et des érudits. Okay? C'est plus général. D'autres questions? Il y a donc ce côté, un témoignage dans lequel la défense contre les accusations de censure et de propagande joue un rôle extrêmement important, et dans lequel, effectivement, Chris essaye aussi, pour objectiver, de décrire les activités du camp de capable. Donc la justification passe aussi par l'objectivation, d'une certaine manière. Si vous lisez le texte, vous verrez qu'il y a la tentative de montrer aussi que tout l'argent qui était destiné, donc il n'y a pas uniquement une question de défendre la légitimité, mais aussi de montrer que les moyens qui ont été affectés à cette entreprise de communication ont été utilisés d'une manière correcte, d'une manière transparente, d'une manière limpide, qu'il y a eu un travail efficace. Tous les médias ont été utilisés. Et les finalités qui sont considérées comme tout à fait nobles de cette action. Lutter pour soutenir le moral aux États-Unis, à l'étranger, combattre contre la désaffection à l'intérieur. Utiliser tous les médias possibles justement pour soutenir le moral des troupes et du front intérieur. Et quand je dis, bon, il y a aussi des stratégies d'argumentation qui sont assez simples et intéressantes à la fois, c'est qu'une bonne partie de l'article du chapitre est consacrée à l'énumération des moyens utilisés. Pourquoi j'ai un peu coupé dans ma présentation de la question des moyens, parce que c'est vraiment ça. Il en parle dans le détail, Four Minutemen, etc. Il explique comment l'argent public a été dépensé d'une manière efficace et pour atteindre des objectifs qui étaient des objectifs nobles. C'est comme un rapport, faire un rapport d'activité. On m'adresse des accusations, et bien moi je vous dis non seulement qu'on a utilisé d'une manière correcte l'argent public qui nous a été donné, mais qu'on a aussi obtenu toute une série de résultats. Il insiste aussi beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas eu de secret. Donc, vous voyez qu'il y a une allusion au débat de l'époque, une justification du financement, de la transparence, et il insiste sur les résultats des actions qui ont été menées par le comité en public information. Tout cela passe aussi par une série de changements du point de vue discursif, c'est-à-dire que probablement vous remarquerez, en focalisant l'attention que je vous invite à faire, non seulement sur les arguments, mais sur les stratégies argumentatives, que progressivement, Crime passe du pluriel, donc de cette entreprise « We advertise America » au singulier. « My political thoughts, me ». Donc, ça devient une autodéfense. Il essaye de se défendre d'une série d'accusations en donnant toutes les preuves nécessaires. Il utilise des stratégies, par exemple, la citation, même s'il n'y a pas de langue de battage, mais c'est la tentative justement de justifier son travail. C'est un ouvrage qui est donc à la frontière entre plusieurs genres, parce que c'est un témoignage, c'est une, bah, il se défend d'une série d'accusations, il nous donne des sources pour comprendre la manière dont le Comité on Public Information a travaillé. Bah, si je vous, j'ai décidé de vous proposer la lecture de cet ouvrage, c'est que c'est un ouvrage qui est souvent cité dans les ouvrages qui traitent des théories de la communication développé après la Première Guerre mondiale, et surtout pour vous montrer qu'il ne s'agit pas du tout d'un ouvrage théorique, c'est pas un ouvrage académique, c'est un témoignage. C'est un témoignage d'un acteur impliqué dans les activités de propagande et qui a eu une large circulation qu'on peut prouver à travers l'intertextualité, pas de chiffres concernant les ventes du bouquin, mais si on lit les bouquins de l'époque concernant, et qui ne sont pas uniquement des bouquins académiques, on voit qu'il est toujours cité, qu'il est bien présent. Et il est bien présent aussi dans l'ouvrage de la Suède. Alors, l'ouvrage de la Suède est un ouvrage différent, bien différent de l'ouvrage de Crise. De quoi s'agit-il? Ouais. En gros, les arguments, en résumé, c'est ça. Et avez-vous cherché des informations sur la Suède? Oui. Je n'ai pas été sur Wikipédia cette fois-ci. C'est donc un théoriste, méthodologiste et chercheur. Je ne sais pas s'il y a une possibilité de bourrer. Il est très intéressé et inspiré par les sociologues et les philosophes, et des certains philosophes comme Kant, Freud et Marx. Il a enseigné à l'Université de Chicago, à celle de Washington. Il a étudié à Berlin, Paris, Londres et Genève. Of Congress et il jouera un rôle important dans l'étude de la communication de guerre dans un cadre assez institutionnel lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, très bien, mais donc c'est lui. Alors, la photo est une photo un peu tardive car à l'époque de la publication du livre que vous avez lu, bah, la Suède est nettement plus jeune. Il a quel âge? 25 ans. Donc c'est l'ouvrage d'un jeune chercheur plutôt doué, vous avez raison. Oui, il est assez précoce, parce qu'il enseigne déjà depuis 2 ans à l'université, donc c'est quand même assez jeune. Et en fait, même dans la page du titre, vous trouvez qu'il est Assistant Professor of Political Studies à l'Université de Chicago. Donc c'est le niveau le plus bas de la carrière académique. C'est quelqu'un qui commence sa carrière académique. Bah, encore la Suède qu'on connaît avec une lettre, un jeune de 25 ans, qui commence, qui publie sa thèse. Donc c'est un travail académique par excellence, une thèse. Et si vous regardez cet ouvrage, comme une fois, c'est important de comprendre la nature de la source, parce que sinon on le lit avec des lunettes qui ne sont pas les bonnes. C'est, encore une fois, le paratexte nous donne des informations utiles. Regardez la table des matières. La table des matières typique du travail académique. Il commence comment, par quoi? Vous l'avez vu, hein? C'est quoi la toute première partie de ce travail? C'est pas une mise en contexte. La toute première partie, de page 1 à 14. Oui? C'est la définition du sujet. Et? Oui? C'est ce qui a déjà été écrit. C'est l'état de l'art. Un concept qui pose énormément de problèmes aux étudiants qui doivent faire leur TPM. Vous avez un exemple d'état de l'art ici. Okay? État de l'art. Avant de démarrer un sujet, travail de recherche, tout chercheur fait un état de l'art. C'est-à-dire, dit aussi revue de littérature. C'est la même chose. The matter in hand. C'est une revue de littérature, c'est un état de l'art. Il nous raconte tout ce qui a déjà été écrit sur le sujet. C'est très important de retenir ces passages. Vous devrez le faire aussi, en fait. Donc, ça, c'est un bon exemple. Ça permet de dissiper toute une série de doutes, etc. C'est comme ça un état de l'art. Avant de démarrer tout sujet, lorsqu'on vous demande un état de l'art, ben, il faut faire ça. Raconter, expliquer tout ce qui existe déjà pour le sujet, sur le sujet qui vous intéresse, pour ensuite dire ce que le chercheur va apporter de nouveau. C'est impossible de montrer l'originalité d'une démarche sans dire ce qui a déjà été fait. Vous suivez? Et c'est exactement ce que fait Laswell dans cet ouvrage qui a une structure plutôt scolaire, en fait. Parce que bon, c'est un gars de 25 ans qui fait sa première publication importante. Et donc, il commence par un état de l'art, état de la question, il argumente, et on arrive jusqu'à la bibliographie finale, l'index, donc c'est un travail bien structuré. Toute la première partie est un état de l'art dans lequel il évoque Krill, il évoque Bernays, il évoque le docteur Plenge, il évoque toutes les sommités ou non-sommités, en fait, les points de repère de son époque, et il s'interroge sur les questions, les raisons de cette attention qui est consacrée à la propagande. Et c'est très intéressant parce qu'il se positionne. Il se positionne. Il dit, je vous raconte l'état de l'art, et ensuite je me positionne, je vous dis ce que je vais apporter de nouveau. Ce n'est pas tout simplement des réditions pour des réditions. Il est indispensable de faire un état de l'art pour dire ensuite ce qu'on apporte de nouveau. Et la Suède est très claire, il fait bien son travail de chercheur. Il dit que la littérature sur l'opinion publique est trop abstraite, qu'il faut faire quelque chose de concret, il dit finalement à la page 5, et il indique dès le début qu'il travaillera sur des sources, donc sur des expériences américaines, britanniques, françaises et allemandes. Donc il définit son corpus. Quel est son objet de recherche? Oui. La nouvelle propagande. Soyez plus précis. C'est la propagande de tout court. Oui. C'est-à-dire, parce que ce n'est pas la propagande de tout court. Il choisit un angle d'approche. il se met beaucoup par avant. Comment définit-il son travail? Avec beaucoup de fierté. Je vous dis mes objectifs clairement, je vous dis ce qui existait avant, ce que je veux faire, les limites que je relève dans la littérature existante, comment je vais travailler. Donc il dévoile sa boîte à outils, il le fait, mais il prend toutes les précautions du cas. Donc vous dites, bon, voilà, c'est une étude provisoire, c'est comme une sorte de photographie de la situation actuelle, mais il est susceptible de révision. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut également tenir en compte, qui caractérise en tant que quoi le genre de la nature de la source. Alors, pour ce qui concerne la structure du texte, il est assez inutile que je m'attarde sur le développement de l'argumentation, car vous l'avez lu, vous le lirez à votre aise à la maison, et donc ce n'est pas la peine d'identifier les liens qui existent entre les liens qui existent, la manière dans laquelle Lasswell analyse la propagande de guerre et toutes les relations qui existent avec le contexte dans lequel il écrit, mais aussi avec le contexte qu'il décrit. Et donc ça, c'est un travail que vous avez fait à la maison ou que vous ferez à la maison sur lequel on ne va pas s'attarder car il est 11h. Donc, ce quoi je voudrais insister, c'est, bon, on va passer directement à la fin. Ce sur quoi je voudrais insister, parce que bon, c'est, lors de ces premières séances, j'ai l'impression que la question des ressources est un petit peu négligée. Donc, l'une des raisons pour lesquelles moi aussi je m'attarde sur la mise en contexte, c'est parfois que je fais allusion aux sources, je vois qu'il y a très peu de personnes qui interviennent. Donc, c'est très bien pour les personnes qui font le travail, et je pense que c'est intéressant de discuter comme ça, mais j'aimerais bien qu'on puisse faire un travail un peu plus collectif sur les sources. Donc, pour la prochaine séance, je propose que. Je vous demande de faire le travail avec attention parce qu'on travaillera de manière beaucoup plus importante sur les sources. Donc il est vraiment indispensable que vous fassiez ce travail à la maison sans quoi il est difficile de travailler ensemble d'une manière constructive, surtout d'atteindre l'objectif de développer un véritable savoir et une méthodologie pour aborder des sources historiques sur la communication. Donc je vous invite pour la prochaine séance à lire en profondeur l'ouvrage de Bernays et les parties indiquées qui se trouvent sur l'université virtuelle, qui sont sur l'université.